art des parcs et jardins. La beauté de l'art est singulière quand elle est mise en valeur comme une œuvre d'art. En terre, elle se nourrit du soleil, son corps des saisons qui revit du repos déjà passé. Soudaine violence, je parcours le nouveau paysage. Orage et grand vent, les arbres se sont déracinés en un instant. Assise aujourd'hui, sur le tapis de feuilles comme assoupi sur une prodigieuse fleur de lotus, j'imagine, mais mon imagination a un clin d'œil à cessé, et que le poème sur lui-même s'est renfermé. Comme si rien n'était arrivé. Comme si rien n'était arrivé aujourd'hui même, et le ciel s'éclaircit pour le soleil d'été.